Dérangeante. Allons au fait de Régis Debray, un livre France Culture. France Culture, une radio de Radio France. À suivre si tu écoutes Janul Tou en direct du Grand Palais à Paris. Excellente fin de journée à l'écoute de France Inter. Il est 17h. Le point sur l'actualité, Dominique Delarroix. Et le prix Nobel de la paix attribué au président Juan Manuel Santos, le président colombien, un prix pour l'aider à remettre sur les rails l'accord historique signé avec la guérilla marxiste des FARC, mais rejeté par la population. C'est donc une demi-surprise, Franck Malbon. Dimanche, par référendum, les Colombiens ont rejeté de justesse l'accord de paix avec les FARC. On pensait alors que ce Nobel de la paix n'irait pas au président Santos, mais le comité a souhaité le récompenser pour ses efforts en vue de la fin du conflit contre la guérilla marxiste. Santos a accepté il y a 4 ans de négocier avec les FARC et son chef Rodrigo Londoño, mieux connu sous son nom de guerre Timoshenko. Un accord a été signé le 26 septembre dernier et a donc été rejeté dimanche par le peuple, d'où une grave crise politique actuellement en Colombie. C'est étonnamment dans ce contexte que Santos est désigné Nobel de la paix. Lui seul, Timoshenko, le chef des FARC, n'est pas lauréat. Ce prix est certes un encouragement à la paix en Colombie, le cessez-le-feu reste en vigueur, mais il va aussi diviser un peu plus les Colombiens. Les partisans de l'accord applaudissent, ses opposants ne comprennent pas. Et le président Santos a dédié ce prix au peuple colombien qui a tant souffert pendant plus de 50 ans et aux milliers de victimes du conflit, 220 000 morts et des millions de personnes déplacées. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, estime que le processus de paix est maintenant allé trop loin pour reculer. Et les casques blancs syriens, déçus car ils faisaient partie des favoris pour ce Nobel, félicitent le président colombien. Nous souhaitons la paix pour tous les Colombiens, dit leur chef. Entre 400 et 500 morts en Haïti après le passage de l'ouragan Matthew, le bilan s'est encore alourdi au fur et à mesure que les informations parviennent des régions isolées. L'ouragan a mis à terre des milliers de maisons, endommagé des écoles, dévasté des plantations, coupé routes et ponts. 350 000 personnes ont besoin d'assistance selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. Matthew longe maintenant les côtes de la Floride avec de violentes bourrasques et de fortes pluie, mais l'ouragan est retombé en catégorie 3. Quelques 600 000 foyers sont privés d'électricité en Floride et une première victime, une femme qui a eu un accident cardiaque chez elle. Après Moscou, Jean-Marc Ayrault est à Washington pour pousser un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU à propos de la Syrie, mais le secrétaire d'État américain John Kerry est furieux. Il réclame une enquête pour crime de guerre contre le régime syrien et son allié russe. Après une nouvelle frappe la nuit dernière contre un hôpital à Alep, la Russie et le régime doivent au monde plus qu'une explication sur les raisons pour lesquelles ils ne cessent de frapper des hôpitaux, des infrastructures médicales, des enfants et des femmes, a déclaré John Kerry aux côtés de son homologue français. Comment limiter la pollution des avions? L'Organisation internationale de l'aviation civile conclut aujourd'hui à Montréal un accord pour geler ses émissions de gaz à effet de serre en 2020. Mais les associations environnementales sont déçues. Explication d'Anne-Laure Barral. Comme la 380 solaire n'est pas vraiment pour demain, les représentants des 191 pays réunis dans cette instance ont bien dû se mettre d'accord sur d'autres solutions. Faire plus de carburants alternatifs, agrocarburants ou à base d'huile recyclée, construire des avions moins gourmands, mais la principale piste, c'est de compenser les émissions en finançant des projets d'énergie renouvelable ou de protection de forêt, par exemple. L'Inde et la Russie n'en voulaient pas, la Chine a demandé à faire moins d'efforts que les États-Unis. Bref, trouver un accord n'a donc pas été chose facile. Mais pour bon nombre d'associations, la compensation n'est pas une bonne solution. Elle masque les véritables responsables et reporte sur d'autres secteurs ou d'autres pays les efforts à faire. Même si la pollution du transport aérien ne représente que 2% des émissions mondiales aujourd'hui, elle devrait augmenter de 700% d'ici 2050. En France, la justice a validé le renvoi aux assises d'Abdelkader Merah pour complicité des assassinats commis en 2012 par son frère Mohamed à Toulouse et à Montauban, mais le calendrier du futur procès est encore suspendu au sort d'un deuxième homme, Feta Malki, soupçonné d'avoir fourni un soutien au tueur au scooter. Le parquet général a demandé un alourdissement des charges contre lui. Les mauvais chiffres de la route, le nombre de morts a bondi de 30,4% en septembre, 335 55 personnes ont été tuées, soit 78 de plus qu'en septembre 2015. La campagne de vaccination contre la grippe, elle a démarré aujourd'hui et après 6 années de baisse, la vaccination repart à la hausse selon les autorités sanitaires. Le taux de vaccination s'était effondré après la campagne controversée contre la pandémie H1N1, c'était en 2009. Nous allons à la Bourse de Paris, la bourse dans le rouge, Jean-Yves Courcial. Et oui Dominique, la place parisienne recule, le CAC 40 cède actuellement 0,66% à 4450 points. Au chapitre macroéconomique, le rapport mensuel sur l'emploi américain qui était très attendu a été décevant. Le nombre de créations de postes a été inférieur aux attentes le mois dernier, mais les investisseurs n'y ont pas spécialement réagi. D'ailleurs à New York, les indices sont particulièrement prudents. Le Dow Jones ne cède que 0,27% et le Nasdaq moins 0,28%. Du côté des devises, l'euro s'échange contre $1,1169. Et le prix du baril de pétrole recule légèrement à Londres où il coûte $52.43. En ce qui concerne les valeurs, les constructeurs automobiles subissent des prises de bénéfices après leur récent rebond. Peugeot abandonne 3,94% et Renault moins 1,21%. En revanche, dans le haut du palmarès, ArcelorMittal se distingue et bondit de 2,83%, soutenu par la décision de la Commission européenne de taxer plus fortement certains aciers en provenance de Chine. Je vous rappelle le CAC 40, il recule de 0,63%. Il est à 4452 points. La bourse, Jean-Yves Courcial pour France Inter. Le vendredi soir sur France Inter. J'entends les gens qui s'installent. À partir de 21h. Ça s'appelle Foule Sentimentale. Le plein de chansons du vendredi. Didier Varro. Ce vendredi, on aura Soif d'idéal avec Jacques Higelin, Alex Baupin, Florent Marché, Arnaud Catherine, Barbara Carlotti. Des désirs qui nous emballent avec Aqua Serge, Julien Gasque et Peter Peter. Puis, attirés par les étoiles, nous vivrons le live exceptionnel de General Electric. Foule Sentimentale. Regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio. À retrouver ce soir sur France Inter à partir de 21h. Alors ces visites pour louer ton studio, ça s'est bien passé ? Épuisant, j'ai beaucoup de dossiers. Et tu as fait ton choix ? Ah mais c'est très compliqué, entre ceux qui n'ont pas de CDI, pas de caution, comment savoir ? J'ai ta solution, prends un locataire garanti Visal, un dispositif d'action logement qui couvre tes éventuels loyers impayés. Une caution solide et en plus totalement gratuite. Tu devrais aller voir sur Visal.fr. Visal, tu dis ? Bonne idée, je me connecte tout de suite. Eh oui, avec Visal.fr, tu peux louer en toute sécurité. Visal est un dispositif action logement soumis à conditions à consulter sur le site Visal.fr. France Inter. On aime, on vous en parle. Higelin 75, le nouvel album de Jacques Higelin. Elle est si touchante. L'album d'un poète que rien n'arrête. Qu'autour d'elle tout chante, l'amour de la vie. Higelin revient et signe un magistral moment de création et de liberté. J'ai toujours rêvé d'être un pionnier, un fier aventurier. Retrouvez Higelin 75 dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr. Lonesome bad boy. France Inter, il est 17h08, si tu écoutes, j'annule tout, avec Charline Van Anecker, bonsoir. Et bonsoir et je ne suis pas venue seule. Voilà, vous êtes en direct du Grand Palais à Paris. Mais on ne peut rien vous cacher, Dominique Delarue, vous êtes trop bien informé. Exactement. Oh, écoutez, nous, on va s'occuper à désinformer pendant une heure depuis le Grand Palais. Voilà, on a comme invité Zep. Ah, je peux vous dire, là, ça va dépoter. Hein. Je pense que, n'est-ce pas ? Oui, ça va. Tout le monde est prêt ? Oui, allez, on est prêt, c'est parti. Et voici comment nous avons préparé cette émission. Bon les amis, je veux que l'esprit de Tintin soit avec nous. Okay. Allez hop, hop, hop, on visite l'expo. Ah mais moi je suis un fou de Tintin, moi j'adore Tintin. Je dirais même plus, moi j'adore Tintin. Oui, très bien Thomas. Thomas, c'est quoi ton album préféré d'ailleurs ? Moi c'est le même que Frédéric Becbédé. Ah ouais. Bon c'est lequel ? C'est Coq en stock. Évidemment. Oui, évidemment. Ouais, évidemment. Ah oui, évidemment. Pourquoi évidemment ? Ben non Fred, désolé mais t'as un vrai point commun avec la Castafiore. Bah ouais. Je comprends pas, je suis pas gros. Oui. Moi c'est Objectif Lune. Ah bah oui, oui. Je dirais même plus, moi c'est Objectif Lune. Et oui mais c'est l'album préféré de Denis Baupin. Mais toi Charline, si t'as voulu être journaliste, c'est grâce à Tintin d'ailleurs. Non, moi c'est grâce à Téléchat. Ah. Par contre moi si j'ai voulu boire des coups, c'est grâce au Capitaine Haddock. Moi j'aime bien le Professeur Tournesol. Ah bon ? Ah bon ? Ouais, je trouve il a un cheminement de pensée qui me correspond assez bien. Ouais, bah, et les Dupont, moi j'aime bien les Dupont. Ah je dirais même plus, moi j'aime bien les Dupont. Oui, alors oui, ça, Mélanie, ça... on avait bien compris que toi, c'était les Dupont. Oui, et Guillaume, il est où, là? Bah, c'est comme le trésor de Rackham le Rouge. Hein. On sait pas où il est. C'est le cador Guillaume le Rouge. Voilà, il est à Pau, en duplex. Et pourquoi il est à Pau? Bah, parce qu'il fait son reportage sur l'Expo RG. Bah oui, mais justement. Mmh. Bah non, mais justement, il préférait pas être là parce que sinon, les gens, ils vont jamais le laisser sortir. Il est malin. Bon, allez, on se dirige vers le Temple du Soleil. C'est où? Excusez-moi, mais je comprends pas pourquoi vous me comparez à la Castafiore. Ah, j'y dirais même plus, je comprends pas pourquoi vous le comparez à la Castafiore. Bon, on se dirige vers le Temple du Soleil, oui, ok? C'est où? C'est une grande salle de 800 places avec un public qui rayonne comme un soleil. Bonjour la France Inter, bonjour le Grand Palais et son Tintin, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui a volé les bijoux de l'information à la Castafiore. Et voici les trois actualités qui vont briser les vitres du Grand Palais jusqu'à 18h. Dès le bac à sable et jusqu'à la cour de récréation, les enfants sont de droite. Oui, ils montrent leur préférence pour les figures autoritaires. Alors comment déceler si votre enfant est de droite? Vive l'Algérie française! Vive le maréchal! Avec la publication des lettres d'amour à Anne Pinjot, François Mitterrand, le personnage historique, devient un personnage romanesque. Aujourd'hui, l'ère de la transparence rend impossible l'accès à ce statut. Avec Carla, nous avons décidé de ne pas mentir. Puis vous l'avez compris, c'est du sérieux. Le lien affectif qui unit les hommes à leur animal de compagnie les pousse à se confier à eux. 97% font la conversation avec leur chien ou leur chat. Et là, il commence à y avoir un problème quand on s'identifie à son animal. C'est quelqu'un qui a des insomnies quand même, alors il faut s'occuper de lui, il faut lui raconter des histoires avant qu'il s'endorme. Et maintenant, on va se brosser les dents. Et on va aller au dodo. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui aime les animaux. Quand ils prennent la forme d'une andouillette, c'est Alex Vizorek. Effectivement, bonjour à tous, bonjour le Grand Palais. Oh, j'avais envie d'applaudissements, ils sont bons. Je vous présente une équipe que vous applaudirez aussi à 17h20 quand elle choisit des disques. Sur cette antenne, moi je pense 1000 milliards de 1000 sabords. Elle diffuse encore des bachibouzouks de la musique qui chantent comme des moules à gaufres. C'est Mélanie Bauer, bonjour. Bonjour. Et je dirais même plus, aujourd'hui, je vous présente un livre-disque. Très bien, suspense. À 17h30, c'est peut-être lui le Tintin reporter de notre équipe. D'ailleurs, c'est mon objectif de l'envoyer au Congo, puis au Tibet, puis chez le Picaros. C'est Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, ah, ils sont fous, vous leur manquez, mais vous êtes à Pau, de quoi allez-vous nous parler? Eh ben, je me suis rendu hier à l'Expo RG, figurez-vous, et j'ai interrogé les visiteurs, notamment sur le manque de femmes chez Tintin. Je pense que c'était l'époque, hein, 1930. Ah, pourtant, il y avait des femmes à l'époque. Ah, certainement, oui. Ah ouais, il faudra vérifier, mais il me semble bien, ouais, que les femmes ont été inventées assez tôt dans l'histoire de l'humanité. Vous êtes bien informé. À 17h40, celui qui est vif comme Tintin, mais coiffé comme Milou, c'est Thomas VDB, bonjour. C'est vrai, bonjour Alex, bonjour Grand Palais. Alors moi, je vais vous parler d'un festival qui aura lieu ce week-end en Californie avec de très très vieux musiciens. Ce sera ma chronique. Bon plan week-end. Très bien. Et 17h55, il sera là, la Castafiore non assumée de cette équipe, parce que lui, entre ses jambes, les bijoux sont là. C'est Frédéric Fromet, bonjour. Allez, moi je me tourne maintenant vers celui qui est venu présider cette émission. Vous êtes auteur de bande dessinée, votre âme de rocker alliée à votre passion pour Achille Talon a fait naître Titeuf, puis Captain Biceps ou Chrono Kids. Après le guide du zizi sexuel, vous nous emmenez au monastère dans votre dernier ouvrage. Vous êtes... Zep. Wouhou, c'est Zep. Bonjour le Grand Palais. Charline Van Mouker, Alex Vizorek, si tu écoutes... J'aime tout. Bonjour Zep. Bonjour. Juste avant cette émission, vous avez fait un tour dans l'Expo Tintin. Ouais, plus qu'un tour, j'ai visité carrément l'Expo Tintin. Oui. Ouais. Alors, je sais que entre soirées de dessinateurs, vous dessinez des Mickey à poil et des Tintins en érection. Oh non, jamais. Hein, jamais, non. Vous allez admettre que c'est la Belgique le pays de la BD ou non? Je trouve que son dessin, d'ailleurs, a quelque chose qui va avec l'écriture. Il a vraiment quelque chose de très studieux, très précis, comme ça. Alors Zep, votre dernier album s'appelle « Un bruit étrange et beau ». C'est paru aux éditions Rue de Sèvres. Voilà, vous nous emmenez au monastère. C'est-à-dire, alors c'est pas le premier album que vous faites qui soit, on peut dire, sérieux, si on peut dire, d'une certaine manière, ou réaliste. Il y avait une histoire d'homme. Ici, il s'agit de Marcus, qui est moine chartreux, ouais. C'est ça, dans une abbaye où il ne reste que 9 moines. Quand l'héritage de la tante lui tombe dessus, il doit se rendre à Paris et 25 années de vœux de silence vont être rompues. Vous avez séjourné pas mal de temps dans des abbayes lorsque vous acheviez les albums de Titeuf. Oui, enfin, beaucoup moins que 25 ans, je partais 3 ou 4 jours et j'allais faire des retraites en silence, ce qui fait que je connais un petit peu ce monde. Alors, j'ai jamais pu aller dans une chartreuse parce que c'est des monastères qui sont complètement fermés, mais j'ai imaginé la vie de ce bonhomme qui a vécu dans le silence et qui tout à coup revient dans notre société et doit réapprendre à parler, doit réapprendre des gestes, et puis tout à coup pose aussi un regard sur notre monde qui est presque vierge, en tout cas vierge de ces 25 dernières années. Et on s'aperçoit aussi que on a l'impression que notre monde va très très vite, mais les choses se passent vite mais bougent pas très vite en définitive, et lui arrive 25 ans plus tard, il a pas l'impression qu'il a loupé grand chose. Oui, ils se font finalement assez bien. Il y a beaucoup de rebondissements parce qu'on se dit il y a un moine qui voilà, ça démarre dans une abbaye, et c'est une histoire qui nous tient en haleine, qui se lit très vite et facilement. Il y a un premier contact avec le monde de Marcus le moine, c'est une couverture de magazine avec Nabila, aussi une machine SNCF qui dit merci bon voyage, et sa première parole elle est dans le train à la jeune femme qu'il va rencontrer, qui dit je crois que vos pieds sont sur ma place. C'est un concentré de notre époque pour quelqu'un qui redécouvre. C'est-à-dire qu'après 25 ans de silence, la première phrase qui sort, elle n'est pas tellement à la hauteur de ces années de méditation. Et il revient, il découvre effectivement un kiosque à journaux avec des couvertures de magazines et des couvertures avec de l'actu qui effectivement se répète depuis des années et des années. Et il y a plein d'actu politique, il y a effectivement les histoires de migrants, l'histoire de réfugiés, les problèmes de Palestine. Et Nabila aussi. Il y a Nabila. Nabila, c'est un nouveau personnage, ouais, mais il y a aussi Johnny le Retour. Et effectivement, il y a 25 ans, je pense qu'il y avait déjà des couvertures qui titraient Johnny le Retour. Voilà, un album tout à fait réaliste, mais il y a parfois votre pointe d'ironie ou quand même un point de comique, parce qu'on voit les moines qui se baladent d'abord dans la nature et vous dites le vent se lève. On le sent, l'orage arrive, on le voit, donc il n'y a pas besoin de commenter. Et puis il y a ce moment où Marcus mange une glace à Paris et dit « Pendant 25 ans, j'ai cherché Dieu dans l'abstinence, peut-être vais-je le retrouver dans le sorbet framboise. » C'est une piste. Zep est avec nous. Un bruit étrange et beau, c'est paru aux éditions Rue de Sèvres. On va avoir l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Zep est avec nous en direct au Grand Palais. Son, give me your number now. It's a what's your number? I don't answer. It's a what's your number, man? I don't answer. It's a what's your number now? It's a what's your number now? I say, hey, 54 46, that's my number. Oh, 54 46, that's my number. One more time. The Metals Fifty Come Up Metals. That's my number, en tout cas. Vous êtes sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Zep et autour de cette table, en direct au Grand Palais, où j'entends pas beaucoup le public, là. Qu'est-ce qui se passe? Mais ils sont là comme des fous pour applaudir Mélanie Bauer, Thomas VDB et Guillaume Meurice. Est-ce que vous êtes toujours là en direct de Pau? Je suis toujours là, Alex. Formidable, vous jouez à Pau ce soir? Je joue à côté, à Lons, très exactement. Il faut le dire aussi. On est parti pour l'info? Allez, c'est parti. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du sourire. Si vous êtes parisien, n'essayez pas de faire ça chez vous. C'est pratiqué par des professionnels. On parlera également de Kev Adams, de Jean-Marc Morandini et de Anne Hidalgo. Et on ne sait pas lequel des trois les parisiens préfèrent. Et de Brèves. De Brèves du sud de la France et de Brèves à base d'alcool. Oui. Et là, j'aimerais un peu d'enthousiasme parce qu'on va commencer avec Manuel Valls, s'il vous plaît. Ouais. Ah oui. Oh là là, la gauche, vous êtes comme des fous avec Valls. Qui, enfin observateur de la vie politique, on lui a demandé « Est-ce que Nathalie Kosciusko-Morizet est de gauche ?» Elle l'est, je crois. Elle l'est, je crois. Non, c'était la question, c'est « Est-ce qu'elle est de droite ?» Et puis, il a rebrouillé les pistes en complétant par ceci. Elle l'est, je crois. Comme moi, je suis de gauche. Elle est de droite comme lui est de gauche. Aïe. Je pense qu'on est foutu. En effet. À droite de la gauche toujours, une petite phrase de Hollande a déclenché le crash éclair de la livre sterling. Et oui, il a dit lors d'un discours qu'il fallait faire preuve de fermeté envers le Royaume-Uni et le cours de la livre, qui remontait très lentement, s'est effondré en un éclair. Ben voilà, voilà, il a enfin réussi à renverser une courbe. C'est vrai. Passons à la primaire écologiste, ça me passionne. Ah oui, oui, oui. Yannick Jadot a déclaré hier... Vous savez, je vais vous dire le fond de ma pensée. Je ne crois pas qu'il y aura un président écologiste en 2017. Oh putain! Mais enfin! Pardon, mais un politique qui a une vision aussi juste de l'avenir, c'est tellement rare. Moi, je suis pour lui, moi. Ouais, primaire écologiste toujours. Michel Rivasi a déclaré « Laurent Wauquiez, il devrait être fiché S ». Attendez, je suis peut-être pour elle, du coup. C'est chaud, cette primaire écologiste. J'ai envie de voter pour tout le monde. Technologie, à présent. Selon Carlos Ghosn, le président de Renault, il faudra attendre 2025 pour la voiture sans chauffeur. Oui, il sera bien trop tard, hein, puisqu'Anne Hidalgo risque d'inventer bien avant le chauffeur sans voiture. Anne Hidalgo qui promet 10 milliards de retombées économiques en cas d'organisation des Jeux Olympiques à Paris. Oui, oui, mais rappelez-moi qui avait organisé les Jeux Olympiques en 2004. Athènes, en Grèce. Voilà, voilà. Voilà. Téléphonie. Après le rappel mondial de 2,5 millions de smartphones pour risque d'explosion, nouveau coup dur pour Samsung. Aux États-Unis, un avion a dû être évacué après l'explosion d'un téléphone qui avait pourtant été remplacé. Voilà, en tout cas, une belle idée cadeau pour Noël pour votre belle-mère, un Samsung. Technologie encore, Google annule la dette d'un garçon de 12 ans qui avait acheté pour 100 000 euros de pub par erreur. Beaucoup plus généreux que Big Malion, Google. Une page grande culture, oui. Puisque nous sommes au Grand Palais. Bien entendu. Grande culture. Kev Adams est entré au musée Grévin. Génial, bah donc maintenant il y en a deux. Ouais, mais au moins le deuxième il parle pas. C'est pas fou. C'est pas mal. Télévision. iTélé annonce l'arrivée prochaine de Jean-Marc Morandini sur sa chaîne. Oui, iTélé qui fait partie du groupe Canal+, va donc aussi pouvoir passer en crypté au moment de Jean-Marc Morandini. International à présent, à Los Angeles, un bar réservé aux gens beaux va sortir, va ouvrir. Voilà, va ouvrir. Donc si vous n'entrez pas, alors je vous conseille, allez dans un bar normal, buvez rapidement 6 ou 7 bières et vous trouverez que tout le monde est beau et ce sera pareil aussi. Allez, on reste dans l'ivresse de la brève. Oui, une brève qui nous vient du sud de la Provence. Le titre c'est « Il se souvient d'avoir bu du pastis, mais pas de l'accident ». Ah, et ça. La mémoire sélective. Oui, en effet. Et la dernière. Oui, peau contrôlée à 2,80 grammes au volant. Peau. Mais oui. Guillaume, c'est vous, qu'est-ce que vous avez fait? Non, c'était un Polonais. Et laissez faire les spécialistes, s'il vous plaît. Nous sommes en direct du Grand Palais sur France Inter, en compagnie de Zep, qui va passer l'actu à l'essoreuse avec nous. Zep qui publie Un bruit étrange et beau et un magnifique album qu'on vous recommande, qui est paru aux éditions Rue de Sèvres. Et vous dessinez magnifiquement Paris aussi, précisons-le. Merci. Pour Merci. Tous les Parisiens qui s'en ont pris plein la gueule au journal de 17h17. Ça vous fera plaisir, il y a un bel hommage de Zep à Paris. Il y a même un personnage qui se baigne dans la Seine, oui. Ce qui est une promesse électorale, je vous rappelle, qu'on attend depuis assez longtemps. Ouais. Ou de la science-fiction. Ou de la science-fiction. Alors Zep, on va aborder avec vous le premier sujet, la naissance du politique chez l'enfant. C'est une étude du CNRS relayée par le mensuel Causette qui nous explique que l'enfant serait de droite. L'enfant est un petit dictateur en puissance, ça on le sait tous. Il aime les figures autoritaires et joue des rapports de force dans la cour de récré. Après, l'éducation aidant, il développe une pensée de gauchiste, hein, tout doucement. Et il finit donc par poser cette question, mais c'est quoi la différence entre droite et gauche ? Quand on est à gauche, on est généreux, on est soucieux des pauvres, tu vois, on aide les vieilles dames à traverser, alors que quand on est à droite, on est motivé par le profit, on est pour l'esprit d'entreprise. Donc, ouais. Vous êtes de droite. Tu peux pas dire ça, mon chéri. Dès qu'on peut, on donne de l'argent aux Emmaüs, aux Restos du Cœur, à Médecins du Monde, enfin on n'arrête pas. Oui, non, mais ça c'est ta faute, à force de dire qu'il faut que je monte une boîte qui rapporte du fric, et ben voilà. Ah oui, mais tu sais, il n'y a pas de honte ni à gagner de l'argent, ni à vouloir en gagner. Simplement, il faut garder ses valeurs. Voilà. Et avec papa, nous, on a plutôt des valeurs de gauche. Mmh. Oh, bah c'est pour ça, alors. Quoi ? Qu'elle ne marche pas, ta boîte. Fais pas ci, fais pas ça, avec Isabelle Gélinas et Bruno Salomon sur France 2. Zep, si vous deviez expliquer à vos enfants la différence entre la droite et la gauche, comment vous allez vous y prendre ? Moi, j'ai l'impression que mes enfants, ils passent d'un groupe à un autre assez facilement. Quand il s'agit de jouer ensemble et de répartir les jouets dans les chambres, ils sont vachement de droite parce qu'ils ont un côté hyper sécuritaire, ils laissent pas traverser les frontières n'importe comment. Par contre, quand il s'agit de ranger le bordel qu'ils ont fait, alors là, ils sont vachement de gauche, ils ont envie qu'on discute, ils font des concertations, évaluer les responsabilités de chacun et tout. Donc, ils sont déjà assez habitués à être transfuges. Je pense que c'est l'avenir, au fond. Ce serait centriste, vos gosses, peut-être. Oui, ou passer, enfin, je pense que ce clivage gauche-droite, il va disparaître. Vous avez des enfants Macron. Une étude du Sénat, alors c'est la une de Cosette ce mois-ci, hein, les enfants sont-ils de droite ? Ils racontent une expérience du CNRS que je vous raconte. Ils ont par exemple montré aux enfants des scénettes dans lesquelles certaines marionnettes en dominaient d'autres. Et puis on leur a donné des pièces et des chocolats à distribuer aux marionnettes de leur choix. Les résultats ont été nets. Les enfants avant 5 ans favorisent les figures dominantes. Donc les tout-petits vont vers le sens de l'autorité. Comme certains primates, ajoutent les chercheurs du CNRS. Alors finalement, les marionnettes ont un pouvoir sur nous quand on est gosse. Le dessin, le je sais pas. Titeuf, il a des aspects de droite et de gauche des fois aussi, comme vous l'expliquiez. Je sais pas, il n'existe pas en marionnette. Il faudrait que j'essaie, mais en bande dessinée. Est-ce qu'il a des valeurs parfois de gauche ou parfois de droite ? Moi, j'ai l'impression que les enfants ont souvent des valeurs. Alors, est-ce qu'elles sont de gauche ? C'est un peu ringard de dire ça. Maintenant, j'ai l'impression de. Mais ils sont plutôt tournés vers une forme d'empathie quand même. Ils ont pitié de celui qui va pas bien. Alors après, ils vont souvent se mettre tous pour taper sur celui qui va pas bien. Mais ils en ont pitié. Ils expriment quand même des sentiments un peu de grand cœur, d'ouverture, de oh là là, il est blessé, il faut l'aider. Donc, est-ce que c'est de la gauche ? Est-ce que c'est de la droite ? J'ai l'impression que ces valeurs-là veulent dire grand-chose. C'est une question très française, hein, ce Francis, Alex et moi, c'est sommes belges. C'est un modèle français. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui... Qui a fait ses preuves au niveau de « ça marche pas » quand même. On est d'accord. Aujourd'hui, même la laïcité est de droite ou de gauche. On en vient là. Ah oui, vous regardez ce schisme comme ça en France avec un regard, j'imagine, en Suisse. Comme nous, en Belgique, c'est différent. En Suisse, il n'y a pas du tout cette démarche-là, parce qu'en fait, la classe politique, elle est là pour appliquer les lois qui ont été votées par le peuple. Donc, en gros, ce sont des gens élus pour bosser pour nous. Et c'est vrai que si on doit engager quelqu'un, bah, on n'engage pas forcément celui qui a la plus grande gueule. Quoi. Vous citez un Suisse qui raconte qu'en Suisse, il faudrait renverser le peuple. Ouais, c'est Duron Matt qui a écrit ça. Et si on voulait faire là une révolution en Suisse, c'est le peuple qu'il faut renverser. Alors je vous renvoie à cet article qui est assez amusant, hein, de Cosette, qui explique aussi que plus votre taux d'alcool dans le sang est élevé, plus vous avez de chances d'avoir des avis politiquement conservateurs. C'est vous dire ce qu'elle envoie dans la musette, Elisabeth Lévy. Alors, on passe à la musique qui adoucit les mœurs et à l'intelligence qu'elle suscite en nous, la musique. Zep est fan de musique, fan de rock. Et vous, Mélanie Bauer, aujourd'hui ? Ça va être difficile de passer après ça. Alors, bon, je ne vais pas enfoncer les portes ouvertes en vous disant qu'il y a une grande connivence entre la BD et la musique. Vous êtes fan, hein, de musique, ouais, Zep. Les musiciens comme les dessinateurs passent 2 ans à bosser dur sur des albums. Ça s'appelle dans les deux cas des albums qui vont exister à peu près 2 semaines dans l'esprit des gens et qui vont être lus en 5 minutes ou écoutés sur un téléphone. C'est une réalité. Chacun chacun fantasme sur la vie de l'autre. Zep, par exemple, vous avez imaginé l'histoire des Tricky Fingers, un groupe de rock formé par quatre copains dans les années 90. Une histoire d'homme, c'était il y a 3 ans. Cabu dessinait sur le jazz, Johan Sfar fait des clips, et on ne compte plus les biopics de chanteurs en BD, les concerts accompagnés par des dessinateurs, et bien sûr les pochettes d'albums de musiciens vieillissants qui retrouvent grâce au crayon une nouvelle jeunesse. Tété, Vincent Delerme, suivez mon regard. Ah, j'adore. Formidable nouvel album. Vous êtes sur France Inter. On aime, on vous en parle. Pour ma part, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un crossover BD musique avec le fameux livre-disque, un objet culturel qui a changé ma vie. Quand à 6 ans, je goinfrais mon manche-disque d'un chef-d'œuvre, Beethoven, sa vie, ses œuvres, racontées par Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault. Je tombais immédiatement amoureuse du musicien sourd qui entendait la musique dans sa tête. J'attends d'ailleurs avec impatience la grande expo sur Beethoven la semaine prochaine à la Philharmonie de Paris. Bref, le livre-disque, c'est un objet trop souvent oublié, ringardisé, malmené, alors qu'il n'est que poésie. Celui que je voulais vous présenter aujourd'hui fait partie d'une collection magnifique de l'association Tous Métis, je vous le montre, qui propose des voyages musicaux de grande qualité à travers le monde. Yemaya raconte l'Amérique latine, Dounia le Maghreb, Dalaka l'Afrique de l'Ouest, Nola la Nouvelle-Orléans et le petit dernier, Kalanda, est un voyage musical dans le monde créole. Quand je dis de grande qualité, c'est qu'ici, on n'écoute pas des reprises de chansons traditionnelles interprétées au synthétiseur par un musicien du dimanche. Non, ici, ce sont de grands musiciens qui partagent leur culture, expliquent la diversité du monde aux enfants. Parce que c'est ça, les enfants, ils sont aussi racistes. C'est important de le dire, ils ne sont pas que de droite. Il y a une édition, Les Petits Gaulois. Il n'y a pas Les Petits Gaulois encore. Alors, dans le nouveau livre apparaître le 17 octobre sur le monde créole, ce sont des stars comme Jocelyne Benoît de Cassave ou des dessins pris René Oriane Lacaille, David Sicard qui, sous la baguette de Zaf Zafa, jouent avec les enfants. Côté livre, les dessins de Laura Guéry sont sensibles, naïfs. Quant au texte, ils expliquent les instruments, les danses, les régions, l'histoire de la poésie et surtout un outil formidable pour les enfants métis qui ne connaissent pas la culture de leurs parents et les petites têtes blondes qui, comme Tintin, se demandent et ne demandent qu'à explorer le vaste monde. Alors, on fait quoi maintenant? Je crois que j'ai une idée. Tu connais le cheval bois? Non, c'est quoi? C'est un manège un peu spécial. Viens, on y va. Ouais, super. Yeah, mon maillard, on parle pour cheval bois. Oui, on parle pour cheval bois. Oui, on parle pour cheval bois. Est-ce que la cour d'or? Non, la cour d'or. Si la cour d'or pas, ben voyez aller. Allons chanter. Est-ce qu'elles ont paré? Il est pour nous, on mise nous. C'est Timamaï là qui relé. Les chevaux bois qui démarré. Est-ce qu'elles ont paré? Tambou à cacha viré nous. C'est Timamaï là qui pleuré. Si cheval bois fin parler. Est-ce qu'elles ont paré? Il est pour nous, on mise nous. C'est Timamaï là qui relé. Les chevaux bois qui démarré. Est-ce qu'elles ont paré? Tambou à cacha viré nous. C'est Timamaï là qui pleuré. Si cheval bois fin parler, à nous chanter, ça va bien. Faut que nous danser, à nous jouer, faut que nous crier, à nous chanter, faut que nous danser, à nous jouer, faut que nous crier, est-ce qu'elles ont paré? Déplacé ou fini ouais ça. On dit dans bel pays, ya, tout le monde connaît cheval bois. Sur les un à bout tambou. Bougez, bougez. Fini ouais ça. Est-ce qu'elles ont paré? Tambou à cache à virer nous. C'est immense. maman il a qu'est pleuré. Si cheval boit fin parler, est-ce qu'elles ont marré? Il est pour nous, on mise nous. C'est si maman il a querelé. Les cheval boit qu'est démarré, est-ce qu'elles ont marré? Un bout à cacha vivre nous. C'est si maman il a qu'est pleuré. Si cheval boit fin parler, en nous chanter. Calenda Zandiguilin. Oui. Mais oui, donc ils ont la chance, les enfants créoles. Nous, quand on est petit en France, on doit écouter Michel Sardou, et là, ça dépote, quoi. Rien à voir. Je suis pas d'accord. Bah, oui, c'est du livre-disque. Acheter des livres-disques à vos enfants, c'est du très bel objet. Mais oui, c'est Thomas VDB qui l'a en main, là. Oui. Rappelez les références. Alors, ça s'appelle Calenda, c'est Voyage musical dans le monde créole. Voilà. Et je sais que c'est pas un sujet d'actualité que je couvre très souvent, ça. voilà, donc on dit ça habituellement. Et c'est édité chez LCZ. Voilà, c'est bien ça dans les livres. Et nous, on est avec Zep, en direct du Grand Palais, où se déroule l'exposition Hergé Tintin. Zep qui, lui, publie Un bruit étrange et beau, un très bel album, une très belle histoire qui démarre dans une abbaye chez les Chartreux. Ils existent toujours, les Chartreux ? Je vois à la fin. Il existe, cette abbaye existe. Je suis allé la dessiner sur place, autour, parce que j'ai pas pu pénétrer le bâtiment, c'est interdit. La Val-Sainte. Mais la Val-Sainte, ouais. Je crois que c'est la Chartreuse qui est habitée depuis le plus longtemps. Ça fait presque 800 ou 900 ans qu'elle est habitée par des moines, qui vivent de la même manière, hein, rien n'a changé. Ils reçoivent pas d'informations, ils n'ont pas le journal, ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas le téléphone, évidemment. Et non seulement ils vivent en silence, mais en plus ils sont isolés les uns des autres. Bon, en plus, c'est très très grand. Oui, c'est vraiment des cellules. C'est des cellules. Bon, c'est des cellules assez chic, hein, quand même. Ouais. Y a un jardin, enfin, c'est. Mais c'est vraiment c'est une vie extrême, quoi. C'est radical, comme on dirait maintenant. Est-ce qu'il y a une part de fantasme un peu chez vous de cette vie-là, parce que c'est l'histoire d'un moine qui part à la ville et puis qui redécouvre la vie, et comme vous avez passé quelques jours plusieurs fois dans ces monastères, ça fait partie des réflexions que vous avez eues à ce moment-là. Il y a quelque chose qui fait un peu rêver, même si c'est très austère, mais l'idée de redécouvrir le monde, de s'être mis à part, et de revenir et de le découvrir comme si on avait un regard neuf. Et puis, et cette vie-là, cette vie monastique, en fait, elle peut donner l'impression d'une vie dans une prison, mais il y a un côté très, très libérateur, parce qu'on pense à rien, enfin, on a besoin de s'occuper de rien. Toute la pensée est libre pour méditer, pour réfléchir à des choses plus grandes. On n'a pas besoin de s'occuper ni du repas, ni de gagner sa vie. L'auteur du guide du zizi sexuel ne rêve que de revenir au monde vierge, c'est Zep. Ah ben, il est avec nous. Là-bas, le guide du zizi sexuel a très mal marché. Non. Et en direct de Pau, mesdames et messieurs, nous sommes au Grand Palais. Lui, il est à Pau. C'est pour dire les moyens de France Inter, c'est incroyable. Guillaume Meurice, vous êtes là. Oui, je suis là. Et à 17h37, sur France Inter, c'est votre moment à vous. On vous écoute. Eh bien, écoutez, je ne suis pas fâché d'être loin de vous aujourd'hui. Ah bon ? Le prenez pas perso. Non, le prenez pas perso. C'est pas à cause de vos physiques. Hein. J'aime bien la rap stress, c'est pas la question. Mais toujours est-il que je suis allé hier après-midi à l'Expo Hergé et j'ai pas eu l'impression d'être franchement le bienvenu. Je vais même vous dire, sur toutes les chroniques que j'ai faites, j'ai jamais été autant fliqué. J'ai même cru à un moment donné que Hergé, c'était pour renseignements généraux, hein, que c'était une expo sur la police. Alors j'avais le droit d'interroger les gens seulement dans un petit périmètre bien déterminé par les organisateurs. À chaque fois que je dépassais, j'avais un vigile sur le dos. J'avais l'impression d'être Élise Lucet dans un repas de famille chez les Balkany. Mais bon, que nous on est ici, hein, et qu'on doit sortir du bâtiment après, hein. Et c'est pour ça que je suis loin, hein, je vous le rappelle aussi. Mais bon, attendez, je vais vous dire, avec toute cette sécurité, on se sentait protégé à l'intérieur. Et il y a même une nana qui a pas pu rentrer du tout. Pourquoi ? Je ne peux pas rentrer avec ma poussette pour des raisons de sécurité. Parce que vous avez un bébé piégé ? C'est ça, peut-être. Eh ben évidemment que c'était ça. Elle voulait vous faire le coup du fameux attentat à la poussette piégée. Saloperie de bonne femme perfide. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, très peu de femmes dans Tintin durant toute la saga. Et du coup, logiquement, Tintin dans aucune femme du tout, hein, non plus, disons-le, durant toute la saga. Comment peut-on expliquer ça selon un visiteur de l'expo ? Parce que à chaque fois, les parents sont inquiets. Sinon, si vous voyez la maman qui s'inquiète pour le fiston, alors que là, il est en roue libre, à mon avis. Pour pas vous pensez que c'est pour ça ? Son éventuelle femme s'inquiète. Ah ben oui, faut pas voir autre chose. Ah bah moi je vois pas autre chose, hein. On sait comment sont les gonzesses à empêcher les mecs de partir à l'aventure. Alors moi je vois pas autre chose, mais il y a des théories qui existent, comme quoi Tintin serait homosexuel. Qu'est-ce qu'il en pense, ce même visiteur ? Voilà mon pauvre monsieur. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Aucune opinion. On sait pas, ça se trouve oui. Mais non, il s'occupe de son petit chien, au pire. Ah oui. Ah oui, c'est la zoophile alors. Non, vous allez trop loin. Je vais trop loin, moi je cherche, hein, j'enquête, hein, c'est mon côté Tintin. Et la place des femmes dans Tintin, ça fait toujours polémique. Alors l'autre polémique, c'est évidemment Tintin au Congo, hein, et des dialogues qui feraient passer Brice Hortefeux pour Rosa Parks. Bien sûr, c'est à remettre dans le contexte de l'époque. Qu'est-ce qu'en pense cet autre visiteur ? Alors là, non, moi je suis pas d'accord, je veux pas tomber dans cette polémique de... Vous savez, je connais bien l'Afrique, j'y vais souvent, bon... Je vais être très clair, hein, ça va peut-être choquer les gens. Oui, alors après cette phrase, on est rarement déçu. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je vais être très clair, je vais peut-être choquer des gens. C'est rare qu'après, il y ait « je suis pour la paix dans le monde », »,« l'égalité homme-femme » ou « j'aime les bisounours qui mangent du quinoa ». Souvent, ce qui suit, ça pue un peu du cul. Écoutons la suite. Je vais être très clair, hein, ça va peut-être choquer les gens, mais je pense que les Blancs, les Occidentaux ont apporté quelque chose. Bon. Qu'il y a eu des excès, qu'il y a eu ceci, qu'il y a eu cela. C'est les fameux bienfaits de la colonisation. Bah, moi, je pense, oui. Mais oui, on leur a apporté la démocratie, bordel, à coups de tarte dans la gueule. À l'américaine, comme on dit en Irak, ou à la BHL, comme on dit en Libye, en riant à gorge déployée, hein, au sens premier du terme, bien évidemment. Alors vous, en Belgique, vous aviez le Congo. Nous, en France, on avait entre autres l'Algérie. Même si, pour cet autre visiteur, c'est pas pareil. Le Congo, ils exploitaient la terre... Nous, on a essayé de coloniser et de faire que les gens puissent être comme nous. Il y a une bonne et une mauvaise colonisation. Il n'y a pas de nom, il n'y a ni bonne ni mauvaise, il y a une colonisation, point. Voilà, il y a une colonisation qui est neutre, hein, une sorte de partenariat gagnant-gagnant, une colonisation win-win, on va dire. Nous, on était des gentils colonisateurs, mais vous, vous exploitiez la terre, bande de sales belges racistes. Tiens, puisqu'on parle racisme, concluons avec un autre monsieur qui a appris des choses sur Hergé. J'ai appris sa position un peu délicate pendant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que c'est une position délicate ? Ben, une position délicate, c'est qu'il a publié une série dans un journal publié par des nazis. Donc, ouais, c'est un peu délicat, ça. Ça, c'est un peu délicat. Ouais, c'est un tout petit peu délicat. Bon, alors nous, en France, on a Jean-Paul Sartre, hein, qui, pendant l'occupation, n'a pas été tout blanc, puisqu'il fut également, je le rappelle, un peu vert de gris. Donc, si vous aviez du talent pendant la Seconde Guerre mondiale, vous pouviez vous compromettre, hein, puisqu'aujourd'hui, on ne vous en veut absolument pas. D'ailleurs, si Maurice Papon s'était mieux démerdé en macramé, il ferait peut-être la une de Art et Déco Magazine aujourd'hui. Mais bon, je ne veux pas gâcher la fête, hein, je ne veux pas gâcher le rêve et le business des héritiers. Tintin, c'est plusieurs millions d'euros générés tous les ans. Et je suis certain que pour ces ayants droit très procéduriers d'ailleurs, le crabe n'a pas des pinces d'or mais des couilles en or et que Objectif Lune rime avec Objectif Thune. Guillaume Meurice, qui a bien fait de rester à Pau. Voilà. Et on remercie le Grand Palais de nous accueillir pour la dernière fois avec ce bel échange avec l'exposition Hergé. Hein, si vous avez d'autres expositions, on va revenir, hein, n'hésitez pas. Guillaume Meurice, vous êtes réfugié dans le maquis, là, en fait. Voilà, je suis caché à Pau. Il y a une expo Céline qui se prépare, vous revenez ou pas? J'en suis. Très bien. Restez avec nous, Guillaume Meurice, et nous sommes en compagnie de Zep jusqu'à 18h sur France Inter, en direct du Grand Palais, donc. Et le deuxième sujet que nous avons choisi, c'est François Mitterrand qui devient un personnage terriblement romanesque avec la publication de ses 1218 lettres à Anne Pinjot. Ce couple classé presque secret défense, ce parangon de pudeur éclate maintenant au grand jour, mais à dimension littéraire. Prenez-en de la graine, les jeunes qui se déclarent sur Snapchat. Moi je squatte à Juvisy et toi tu crèches à Neuilly. Notre rencontre c'était fatal, ça s'est passé dans les Halles. Depuis je veux te revoir, que je suis au désespoir. J'ai même plaqué toutes mes meufs, toi tu me fais un effet bœuf. Guerre pas plus gros que Monique, qui est caissière à plus unique. Plus moche que Maïté, qui travaille au PTT. Je sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui n'existent pas dans le dico. C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. C'est toi que vous pouvez faire mieux, le Grand Palais. Attention. Vachement beaucoup. Ah, c'est voilà, vous suivez, merci. Vous aurez reconnu les inconnus, bien sûr. Ça, c'est du rock, ça, Zep. Ça, c'est du rock. Ouais. Ça, c'est du bon rock. Zep, vous seriez curieux de lire la correspondance, les lettres de François Mitterrand à Anne Pinjot. Ça fait partie de choses. Le peu que j'en ai lu, je trouve ça assez beau, mais, mmh. mais ça me met presque mal à l'aise. Enfin, je trouve terrible qu'on publie les lettres d'amour Je sais pas, moi j'aimerais pas qu'on publie même après ma mort. C'est hyper intime, quoi. Ouais. Je sais pas. C'est... Oui, il y a un petit côté. On est partagé entre la qualité littéraire qui a aucun doute et donc l'envie de découvrir et ce côté un peu voyeuriste et de rentrer dans l'intimité d'un couple qui en plus a cultivé toute cette pudeur. Je sais pas. Autour de la table, vous avez un avis sur les choses, Alex Vizorek? Moi, ma tristesse, c'est qu'aujourd'hui, à cause des mails et des SMS, on a tendance à les effacer, à pas les suivre et on n'aura plus ce genre de témoignages. Même pour la propre famille. Bah, sauf si on les lit à temps, parce que tout à l'heure, moi, je lisais tes textos sur ton portable. Et voilà, c'est vrai que avant que tu les jettes, c'est intéressant de les lire. Est-ce que les lettres d'amour ne sont pas forcément destinées à être publiées un jour, mais il peut y avoir une dimension littéraire qui justifie le fait que... ou peut-être un certain laps de temps qui se soit écoulé, peut-être sans un doute, siècle. Je sais pas, est-ce que c'est aussi parce que c'est une histoire clandestine, que c'est un petit peu plus croustillant et plus embarrassant, parce que on peut lire la correspondance de, enfin, beaucoup de gens ont publié, on a publié les correspondances de beaucoup de personnalités. Je sais pas, là, ça me met assez mal à l'aise, moi, de lire ça. On imaginerait le président de la Confédération suisse. Là, il y a aussi un côté assez français, non, dans le côté personnage. Avec du mystère un peu historique qui devient flamboyant, romanesque. C'est-à-dire que le président de la Confédération suisse, déjà un an après, on ne sait plus son nom. Donc, on se souvient, 30 ans après, si vous publiez sa correspondance, je ne suis pas sûr que ce soit un coup médiatique très fort. Mais... Voilà, il y a, en tout cas, le Figaro y consacre deux pages aujourd'hui en expliquant notamment que cette publication a sans doute été aussi motivée par le fait que allait être publiée aussi les lettres entre Catherine Langer et François Mitterrand, Amour de jeunesse. Et si ça marche, ils vont sortir les lettres d'amour à Pierre Laval aussi de François Mitterrand. Et ça, c'est un beau livre aussi. Thomas VDB. C'est bien moi. Ouais, avec les petites gorgées d'eau, humectez-vous le palais. Hein. Humectez-vous le grand palais, c'est parti. Puisque ça y est, c'est parti. Ouh là là, jingle life. Attention, les gens sont comme des fous. Allez, grand palais. Allez, on casse les chaises. Wouh. Actualisique, allumé le feu de l'actualité et de la musique. Je voulais prouver avec cette reprise de Allumer le feu de Armand Cazeneuve, car c'est le nom du chanteur qu'on vient d'écouter, qu'il n'y a pas d'âge pour faire du rock. Parce qu'on sait tous, on sait que tous dans le rock, aujourd'hui, il y a beaucoup de musiciens très mythiques qui sont morts à l'âge de 27 ans. Je pense à Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Ils sont tous morts à l'âge de 27 ans. D'ailleurs, on parle souvent aujourd'hui du club des 27 ans. Mais ce week-end, en Californie, il y aura un festival qui va avoir lieu qui s'appelle le Desert Trip et qui rassemblera, alors tenez-vous bien, les Rolling Stones, les Who, Roger Waters de Pink Floyd, Neil Young, Paul McCartney et Bob Dylan. Voilà, c'est-à-dire, alors il n'y aura pas Armand Cazeneuve, mais il y aura tous ces gens-là. C'est-à-dire que voilà, il y a déjà le club des 27 ans. Je pense qu'eux, ils ont prévu de monter le club des 127 ans. Alors, c'est un petit peu, grosso modo, comme si le Sénat allait voter ses prochaines lois dans la garrigue en plein soleil, au milieu des cigales, ou c'est un peu peut-être l'équivalent de hache tendre et tête de bois, mais avec Bob Dylan à la place de Gérard Lenormand et Mick Jagger à la place de Cookie Dingler. Alors, mais je me demande finalement si j'ai bien fait de choisir l'angle hache tendre et tête de bois pour cette chronique quand je vois le nombre de casques argentés qui sont venus nous voir aujourd'hui au Grand Palais. Oh là là. Comme vous pouvez les entendre, ils sont assez nombreux. Alors, on parle, non mais c'est vrai que là en l'occurrence, on parle quand même d'artistes qui sont nés il y a très très longtemps, hein, des chanteurs qui ont commencé à faire de la musique au début des années 60. Je crois que quand Bob Dylan sortait son premier album, le père de Justin Bieber n'était encore qu'un spermatozoïde. Alors, quand on voit, alors c'est pour ça que je me dis aujourd'hui, quand on voit les ravages de la canicule et l'âge des musiciens qui vont jouer dans ce festival, on peut se demander si c'est prudent d'organiser un tel festival dans le désert. Faudrait poser tout simplement peut-être la question aux gens du public qui sont ici. Moi, je pense personnellement que c'est un coup de leur maison de disques pour doper les ventes de disques, faire jouer les musiciens en plein cagnard, peut-être les déshydrater complètement et relancer les ventes d'albums juste derrière. Parce que c'est vrai que ce sont en plus des artistes qui continuent de sortir des albums aujourd'hui, mais le grand public connaît surtout leurs classiques. Hein, c'est vrai que quand on va voir McCartney en concert, c'est surtout pour qu'il joue Yesterday, Blackbird ou Hey Jude. C'est pas pour qu'il joue son dernier album, hein, évidemment. D'ailleurs, j'ai eu un peu peur, moi, au moment de la sortie du dernier album de McCartney, parce que sur Internet, j'ai lu « Le McCartney a fuité ». Et il m'a fallu quelques secondes pour comprendre que l'article parlait de l'album, évidemment, et pas du chanteur. Alors, d'ailleurs, qui dit vieux artistes dit évidemment vieux public. Alors, qui dit vieux artistes dit forcément vieux public. C'est pour ça que c'est sûrement une bonne idée d'organiser ce festival dans le désert, parce qu'il y a 150 000 personnes qui sont attendues. Au moins, il y aura de la place pour se garer. Sinon, je pense qu'on aurait tourné au festival de constat à l'amiable. Alors, pour être bien placé, d'ailleurs, certains n'ont pas hésité à débourser jusqu'à 1 500 $. Et c'est vrai que de ce côté, c'est un petit peu le contraire de Woodstock. Hein, tu te dis à Woodstock, l'avantage, c'est... Alors, Woodstock, ça n'a rien à voir, mais l'avantage, c'est qu'il y a quand même beaucoup de boue. Alors là, je sais pas s'il y aura de la boue. Et puis s'il y a de la boue, en même temps, je me dis, c'est tant mieux. N'oublions pas que la boue, c'est très bon pour les rhumatismes. Alors en tout cas, on peut se poser la question de savoir si le secret de la longévité, c'est véritablement 5 fruits et légumes par jour. Quand je vois que Keith Richards, Neil Young, Mick Jagger sont encore là, hein, je me demande s'il ne faudrait pas envisager la vie comme une opportunité de développer sa consommation de whisky, de LSD et d'héroïne. Pour connaître qu'il y en a certains à qui ça ait réussi. Merci beaucoup. Thomas VDB. Merci Thomas. Zep Ketreran, vous avez fait des illustrations d'albums, Zep. J'ai fait des pochettes de disques. Je suis déçu parce que je pensais aller à ce festival. Ouais, ça vous exciterait, cette affiche. Ça me gêne que tout le monde se moque de cette belle cette belle organisation, quoi. Ah oui, ça vous tenterait si vous étiez libre, vous y iriez. Ah moi, à chaque fois que Dylan vient, je retourne le voir. Alors, j'avoue que la dernière fois, je me suis endormi pendant le concert, mais j'y vais quand même. Bah, vous savez qu'il lit tous les Titeuf. Bah oui, justement. Je compte sur lui. Zep qui est avec nous jusqu'à 18h en direct du Grand Palais, et Zep qui publie Un bruit étrange et beau aux éditions Rue de Sèvres. Et on va aborder le troisième sujet avec vous, Zep, qui n'a rien à voir. Okay. 97% des maîtres parlent à leur chien et se confie à eux. Alors avant, l'animal avait une utilité, il surveillait la ferme, chassait les indésirables, les rats par exemple. Aujourd'hui, leur utilité, c'est d'écouter nos conneries sans broncher. Voilà. Donc dans certains cas, n'est-ce pas dans le fond de la maltraitance? Dans certains cas comme celui-là. Je possède un chat, Momo. Momo est un chat depuis de nombreuses années, mais c'est également un félin. Voilà, c'est Momo. Voilà. Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les hyènes. Parce que la hyène, c'est un animal dont on parle jamais, alors que c'est un animal qui peut être très important. Parce que moi, je trouve qu'être ami avec une hyène, souvent, c'est plus important qu'être ami avec des vrais amis. Elle vous protège. Si jamais il y a du danger, et ben ouais, ben moi, je suis avec une hyène. Alors là, évidemment... Vous avez reconnu, c'est ouais. Dupontel. Ah ouais, ouais. Dans Bernie. Ouais. Alors c'est un article publié dans Aujourd'hui en France, Le Parisien. Mon confident, c'est Médor. 97% des gens se confient à leur chien. Et 40% sont même prêts à quitter leur amoureux s'ils n'apprécient pas leur animal. Est-ce que c'est à ce point le prolongement de soi? Est-ce que vous regardez ça d'un œil... Torve. Oui, j'avoue que je ne suis pas très sensible, mais ça donne des scènes assez marrantes, je trouve, de parler à son animal. L'autre jour, il y avait quelqu'un sur le trottoir là, qui faisait faire les besoins à son chien et il commentait en direct. Il disait, bravo, c'est bien, vas-y. Quoi. C'était assez génial quand ça faisait un peu commentaire sportif comme ça, mais sur de la défécation en direct, c'était assez classe. Autour de cette table, vous avez des animaux là, des chiens? J'ai des poissons rouges. Ah ouais, c'est ça. J'ai un chat. Pour parler avec, c'est un peu nul, parce qu'il y a la vitre. C'est ça. Il faut faire des trous. On n'est pas très animaux. Guillaume Apou, vous avez un animal ou non? Moi, j'ai pas d'animal, mais j'ai eu longtemps un ténia. Je m'étais attaché, mais le médecin m'a dit qu'on nous a séparés. M'en doutais. Bon. Avant, l'animal avait une utilité, c'est vrai. On vivait avec eux aussi pour surveiller la ferme, se débarrasser d'indésirables, etc. Maintenant, l'utilité, c'est quoi? C'est aussi de remplir le vide affectif. Il y a un côté comme ça aussi de notre époque. Par exemple, votre héros, qui est le moine Marcus, s'il redébarque dans la ville c'est avec son regard vierge, c'est peut-être aussi quelque chose qui pourrait l'étonner, non? Oui, bon, ça existe depuis longtemps quand même. Hein. Et il y a un aspect d'écho aussi aux animaux. Les poissons c'est rouges, c'est au c'est niveau vrai. Du contact, c'est un peu moyen, mais c'est plus des éléments de compagnie et de déco. Aussi. C'est apaisant. Mmh. Et c'est vrai qu'au niveau déco, une l'animal, c'est... Une bonne contre le mur, comme ça, c'est... Hein. Et au niveau déco, là, c'est tellement génial que même quand ils sont morts, ça fait en plus c'est de la déco joli, pour les siècles des siècles. C'est formidable. Mais par exemple, on est très attendri par ça. C'est-à-dire que quand il y a un SDF avec un chien, on a tendance à plus donner. Je trouve ça assez incroyable. C'est... Je vois pas la logique. Ah oui, moi, je donne pas, de toute façon. Non plus au chien, ouais, c'est bien. Le moine Marcus, au début de votre dernière BD, Zep, il dit au début où il s'est retiré dans le monastère, je parlais seul et fais salut l'oiseau. C'est une façon de rompre leur vœu de silence aussi. Vous pensez que vous imaginez la vie des moines, s'il y a un oiseau qui vient se poser sur le rebord de la fenêtre de la cellule, c'est à lui qu'il parle. Vous faisiez ça peut-être quand vous passiez quelques jours au monastère? Non, parce que je profitais du silence, au contraire. Mais quand on le vit sur des années, j'ai rencontré un ou deux chartreux qui sont sortis des monastères après des années. Et ils disent au début, on parle aux animaux, il y a quand même des petits moments de promenade une fois dans la semaine où ils sont par groupe et ils peuvent parler. Mais ils disent, mais assez vite, on arrête parce qu'on perd l'habitude simplement du bavardage. C'est-à-dire que parler, on est dans des pensées très profondes et on n'a pas tellement envie de dire, t'as vu, aujourd'hui il pleut, il fait beau, ça monte, j'ai mal aux pieds. Et les moines, ils chantent, hein? Oui, chantent, oui, bien sûr. Il est là, notre moine. Le chant. Mesdames et messieurs, Frédéric Frommet. Vous l'attendez comme tous les vendredis. Il traverse le Grand Palais. Ça va résonner, hein, parce qu'il faut décrire un petit peu. On est dans le salon d'honneur du Grand Palais, voilà. Qui est assez le plafond est très haut. Il y a une verrière en haut. Donc, comment vous a traité de castafiore, Frédéric Frommet? J'espère que vous n'avez pas tout nous pété là. Pour le chant grégorien, c'est impec, hein, comme sono, là, c'est vrai. Parfait. Bon. Il vient de se pluguer. Bonjour, Frédéric. Oui, on va se brancher, même, on peut dire. De quoi allez-vous nous chanter? Eh bien, j'ai retrouvé une chanson des Beatles, ah, oui, écrite à la demande d'Hergé. Love, love, Milou, you know le petit toutou, ce cabot ridicule, moi j'aurais dessiné un pitbull, oh, avec des petites bulles. Love, love, Milou, ce petit rat d'égout, à qui une araignée fait peur, moi j'aurais dessiné un Rottweiler pour bouffer la castafiore. Ça gâche toute l'histoire, ce stupide clébard. Pourquoi le chien de Tintin, c'est pas un Tintin? Ils se font pas chier les Beatles pour les paroles, hein. Come on everybody, love, love me Lou. On n'y croit pas du tout. On y croirait peut-être s'il y avait Tintin au pays des croquettes pour son petit roquet pompette. Love, love, Milou, des aventures à dormir debout. On a marché sur la lune, souvent avec un kleps. L'histoire est plus commune, on a marché dans la merde. Pourquoi on voit jamais Tintin ramasser le caca de son chien? Pourquoi on voit le pas au mois d'août abandonner Milou sur l'autoroute? Love, love, Milou, à vrai dire je m'en fous. Comme de tous les chiens, chiens à leur même maître. Les chiens, chiens et leur même maître. Je te foutrais tout ça, ou à la SPA, ou bien j'appellerai un veto pour piquer le même maître et son cabot. Je crois que j'ai tout salopé, l'expo consacrée à Hergé, c'est Renaud qu'il fallait inviter. Tintintin. Frédéric Frommet, oui, en direct du Grand Palais sur France Inter. Merci beaucoup, Frédéric. Zep, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci. Je rappelle votre dernier album, magnifique album et très belle histoire, qui s'appelle Un bruit étrange et beau. C'est publié aux éditions Rue de Sèvres. Et on peut se baigner dans la Seine avec Zep à travers cet album, hein, en partant du monastère. Il est 17h58 sur France Inter, à Paris, à 17h58, à la crèche aussi, c'est près de Niort. Oui. Et vous y serez demain, je Alex. Je serai demain à la crèche, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Merci à tous, merci au public. Merci. On va laisser le mot de la fin à cette question que nous avons posé en début d'émission. Les enfants sont-ils de droite? Vive la chérie française! Vive le maréchal! La Afrique en solo. C'est tous les samedis à 22h sur France Inter. C'est votre ticket pour l'Afrique. Soro Solo. Hey! Culture, société, politique, légende, mythe et tous les qu'est-ce qu'il y a. Tout ça se raconte en musique sur France Inter. Tu as loupé l'Afrique en solo samedi à 22h? Pas ni problème. Tu podcastes seulement sur franceinter.fr. Le 13 octobre, à l'auditorium de la Maison de la Radio, l'éclatant Sergueï Kachatryan interprète le concerto pour violon de Sibelius, un des grands chefs-d'œuvre du XXe siècle. Le 13 octobre à 20h, avec l'Orchestre National de France, dirigé par Giancarlo Guerrero. Un Sibelius lumineux. Réservation maisondelaradio.fr. Le Festival Lumière 2016. Un festival de cinéma pour tous, du 8 au 16 octobre. Le prix Lumière 2016 sera décerné à Catherine Deneuve. Découvrez sur grand écran les classiques de l'histoire du cinéma. Près de 400 séances dans la métropole de Lyon, présentées par de nombreuses personnalités. Le Festival Lumière à Lyon à retrouver aussi dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. Il est 18h sur France Inter. Bonsoir Claire Servageon. Bonsoir Charline et bon week-end à vous. Le 18-20 de France Inter avec pour commencer une semaine en France. Ce soir à nos côtés le sociologue François Dubé dont le dernier essai s'intitule « Ce qui nous unit », un ouvrage dans lequel il est question des crispations identitaires et des discriminations. François Dubé restera à nos côtés jusqu'à 20h pour un téléphone sonne qui s'interrogera sur les inégalités scolaires. Mais d'abord, le journal d'Yves Decamp. Bonsoir Yves. Bonsoir. Il longe ce soir les côtes de Floride après avoir dévasté Haïti. L'ouragan Matthew reste une menace pour les États-Unis où plus de 2 millions de personnes ont été mises à l'abri. En Haïti, c'est par centaines que se comptent aujourd'hui les victimes. Il a mis fin à 52 ans de conflit armé. Le président